した人の人の人のなぜ becoming faithful を持っていんだな人のことなぜ優しい気がした人の人の人のアランジェラン La belle voix, tu as bougé le petit doigt, tu m'as soufflé, approche-toi, ça fait longtemps que Canoff n'est entré chez moi. Oh, oh, oh Marseille, c'est comme il fait pour moi, comme c'est, puis tant d'autres fois. Marseille, il y a ce truc qui n'y colle pas, c'est ton nom. C'est ton nom, c'est ton nom qui a ouvert de jolis yeux bleus qui me regardaient du fond des cieux. Tu m'as souri, j'ai fait de mon mieux. T'avais 100 ans, t'avais Paris. J'ai vu un visage d'enfant qui me disait en même temps. Tu m'as dit s'il te plaît, prends ma part. De ma vie dans ses bras. Oh, oh, oh, Marseille, c'est comme il fait pour moi, comme c'est. Et tant d'autres fois, Marseille, il y a ce truc qui n'y cloche pas. C'est ton nom, c'est ton nom, c'est ton nom. Ton nom, maintenant résonne en moi, comme c'est. Histoire d'autrefois. Ce conte de Philippe Soupeau qui disait mot à mot, agenouillé là, tout contre toi, j'ai pris ta main, tout contre moi, j'ai vu une larme là, et puis plus rien, juste ta petite voix au loin, je ne t'oublierai pas. Oh, oh, oh, Marseille, c'est comme il fait.